7. Activation, discrimination auditive, ou et y. Déterminez si les phrases que vous entendez contiennent le nom Louis ou le pronom lui. Cochez la case appropriée. 1. C'est lui. 2. Demande-lui. 3. Demande à Louis. 4. C'est à lui. 5. C'est Louis. 6. Tu vas chez Louis. 7. Louis, il est là. 8. Qu'est-ce qu'il fait, lui? 9. C'est à Louis. 10. Il est chez lui.